Bonjour. Bonjour, quel bruit. Ben, ça va. Ben là, oui, hier, on a fait une grande promenade. Bonjour, enchanté. Vous n'êtes pas encore sur le. Sur le fleuve. Ah, bientôt alors. Ouais. Bientôt. Oui, hier, on a fait une grande balade avec quelques personnes, c'était sympa. Puis, ah, là, bien. Puis là, voilà, ben, je commence à, dans la semaine, dans le village. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu calme. C'est un peu calme, mais... Quand il fait beau, il y a des gens qui se baladent un peu, mais sinon... Oui. Pas trop, quoi. Bon, ça me change un peu de ma ville. Oui, c'est ça. Il n'y a plus trop les jardins, c'est fini. Ouais, les... Oui, bah oui, maintenant. Et oui. Il y a encore quelques engins de chantier et tracteurs qui passent, c'est quand ça. Même. Parce que la saison n'est pas finie pour eux. Ben non, avec tous les maïs et les tournesols qui sont en train de couper là. Ouais, c'est ça, l'autre jour, quand on était à l'oppidum, là où on voyait, ouais. On voyait les tracteurs tourner. D'ailleurs, voilà, en parlant. Ouais, non, mais ça, c'est un tracteur du village. C'est vrai paysan. Ah oui. Il a été faire son bois. Ah, c'est la mauvaise époque. En plus, les gamins ne sont pas là. Il n'y a pas de bruit d'enfant, il n'y a rien. Bah, quand ils arrivent, sur le ramassage, oui. Ouais. Oui, juste là. Le ramassage est juste là. Ouais, j'ai croisé le car tout le à l'heure. Ouais. Voilà, mais ça fait partie du paysage sonore. Hein, c'est, ah, comme ça. Oui. C'est une époque. Les ados avec leur moto, leur mob. Ouais. Ouais, mais ils sont là sur le week-end. Hier, on en a entendu passer pas mal au bar. Ouais. Mais, Et bon. Puis, tu sais, maintenant, il y a garde que nous avec la moto. Il y a la relève. Ah bon, parce que les autres, ils ont des voitures maintenant, ouais. Oui, il y a des époques. Mais oui, non, non, il y a la relève. Ah oui. Ils sont au moins trois avec les scooters. D'accord. Oui, je les ai croisés l'autre jour, ils étaient en train de discuter. D'accord. Un peu plus bas, oui. Ouais. Ça, ah, mais c'est ceux de là-bas, d'accord. Voilà, ça bouge. Ben ouais. Hein. Bon, mais bon courage. Hein. Merci, et puis bon voyage. Ben ouais.